ni nom de l'enclos à Monsieur de Saint-Evremont. 14 octobre 1700. Le bel esprit est bien dangereux dans l'amitié. Votre lettre en aura gâté une autre que moi. Je connois votre imagination vive et étonnante, et j'ai même eu besoin de me souvenir que Lucien a écrit à la louange de la mouche pour m'accoutumer à votre style. Plût à Dieu que vous pussiez penser de moi ce que vous en dites. Je me passe roi de toutes les nations. Aussi est-ce à vous que la gloire en demeure. C'est un chef-d'œuvre que votre dernière lettre. Elle a fait le sujet de toutes les conversations que l'on a eues dans ma chambre depuis un mois. Vous retournez à la jeunesse. Vous faites bien de l'aimer. La philosophie sied bien avec les agréments de l'esprit. Ce n'est pas assez d'être sage. Il faut plaire. Et je vois bien que vous plairez toujours, tant que vous penserez que vous pensez. Peu de gens résistent aux années. Je crois ne m'en être pas encore laissé accabler. Je souhaite au roi, comme vous, que Madame Mazarin eût regardé la vie en elle-même, sans songer à son visage, qui eût toujours été aimable quand le bon sens aurait tenu la place de quelque éclat de moins. Madame Sandwich conservera la force de l'esprit en perdant la jeunesse. Au moins le pensais-je ainsi. Adieu, monsieur, quand vous verrez Madame la Comtesse de Sandwich, faites-la souvenir de moi, je serai très fâchée d'en être oubliée. Fin de ce livre audio.